voudrais pas crever. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever. Ma mère m'a transmis cette peur de la mort. Ma mère m'a transmis cette peur de la mort. Ma mère m'a transmis cette peur de la mort. Est-ce que t'as voulu ce qui te consume? Est-ce que t'acceptes ce qui te consume? Comme des gens, une bête ça crève, ça va, des gens ça crève pas. Ah non, faut pas dire ça. Socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs.